L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Voilà, donc c'est une chasse aux indices, spéciale Halloween. Donc comme pendant la cuisine, après qu'on a fait l'atelier cuisine, il y a pas mal de temps de cuisson. Et moi, je reste à côté du four hein, pour être sûre que les pâtisseries ne soient pas brûlées. Je leur prépare un petit jeu dans le jardin pour qu'ils découvrent des choses sur le jardin, la nature, l'environnement. Et là, comme on est en saison d'Halloween, c'est la chasse à l'animal mystère. Donc j'installe des indices sur cet animal mystère. Et ils vont devoir aller à différents endroits du jardin pour trouver quel est cet animal. Et du coup, on va mettre le premier indice au compost. Donc là, j'installe le premier indice qui est « Je suis un animal dont il existe en France plus de 1600 espèces différentes ». Et ensuite, ils ont l'indice suivant. Donc l'indice, c'est « Je suis accroché à une branche d'un arbre qui fait ses fruits en automne. Le fruit a des pépins, on en fait de la compote, du jus, des tartes ». Donc voilà, ça c'est pour aller à l'indice suivant. Et donc ce compost, c'est le compost du lieu ? Oui, tout à fait. Donc on met des restes de cuisine, mais aussi la tonte de l'herbe, des feuilles mortes, des branchages. Okay. Il sert aussi pour les ateliers qui s'appellent Avobinette, qui sont des ateliers pour découvrir le jardinage naturel. Enfin, c'est un compost à la fois qui nous sert vraiment, mais aussi un compost qui est un outil pédagogique pour tous les publics qui viennent chez nous. On va au pommier ? Voilà les pommiers qui sont remplis encore de pas mal de pommes, donc ça c'est bien. Bien que je l'accroche parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, donc là j'installe l'indice suivant. Et du coup, nous on doit aller au potager, plus précisément dans un endroit à l'abri de la pluie, où poussait un légume cet été, rond et rouge. Et alors ces pommes, elles sont magnifiques, vous les cueillez, vous les mangez ici ? Alors on en a pressé une partie, mais après on en garde pas mal sur l'arbre, parce que notre but c'est de montrer aux enfants qu'une pomme pousse sur un arbre, donc si on cueille tout, c'est un peu dommage. Donc c'est aussi des pommes pédagogiques. Donc là, en ce moment, on a les enfants qui viennent découvrir l'automne. Et du coup, on les fait venir sous le pommier pour se rendre compte que voilà, c'est comme ça en vrai. Elles vont finir par être mangées par des oiseaux ou... Il y en a, ouais. Il y a une partie qui est... Bon, on en voit plein par terre, là. Il y a une partie qui est grignotée par des rongeurs. On voit des guêpes, là, des frelons, des oiseaux, en effet. Et puis une partie qu'on utilise dans nos ateliers cuisine. Aussi, donc là cet après-midi par exemple, il y a une recette avec de la pomme, ben, c'est les pommes de ces pommiers-là. Et du coup, ce jardin-là, c'est les animateurs qui l'entretiennent ? C'est les animateurs du Cygne de Bussière. Aussi des personnes du public lors des ateliers à Avobinette qui sont sur apprendre le jardinage naturel et aussi des bénévoles qui viennent régulièrement pour couper ce qu'il y a à couper. Donc on les a un peu formés pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et après ils viennent quand ils ont des dispos. Troisième indice dans les tomates. Voilà, donc le troisième indice est dans les tomates. Je vis en général un ou deux ans, donc c'est un autre indice pour notre animal mystère. Et maintenant, on doit aller poser l'indice suivant. L'indice suivant se trouve sous une cucurbitacée. Donc voilà, vous trouvez l'endroit où sont les cucurbitacées du jardin. On marche beaucoup parce que les indices, ils sont forcément éloignés les uns des autres pour aussi découvrir le jardin, courir, profiter aussi de prendre l'air. Du coup, les enfants qui viennent, donc ici on est à Strasbourg, mais on est quand même à la périphérie. C'est plus des enfants qui vivent en centre-ville et qui justement ont besoin d'un petit coup de nature. Oui, donc nous, notre public, c'est beaucoup du public urbain, périurbain. Mais après, là, on a aussi des fois des personnes qui viennent des villages un peu plus éloignés quand même, hein, qui font la, la route jusqu'ici pour venir découvrir les choses. Mais notre grande partie de notre public, c'est le territoire de l'Eurométropole, de Strasbourg. Ah non, là j'ai mis que je le mettais sous. Voilà, lundi sera caché sous une butternut. Mais on peut voir aussi une bleue de Hongrie là. Et là, les nôtres qui poussent, c'est des longues de Nice. On a une Giromont là, un peu particulière comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Une courge spaghetti. Tous nos courges ici ont soit poussé ici, soit ont été achetées chez des maraîchers de la Roberto. Donc c'est des courges locales. Donc c'est pour montrer que. Il ne faut pas forcément aller très loin pour retrouver la diversité. Et puis voilà, en automne, c'est aussi sympa de découvrir ces légumes des fois un peu oubliés, et puis de connaître leurs vertus, voir qu'on peut faire aussi des recettes sucrées avec, on va faire cet après-midi. Ben voilà, il y a plein de choses. Et puis voilà, c'est pour apprendre, et puis de les avoir en vrai, ça permet de les toucher, voir leur texture, leur forme. Alors, le prochain indice est accroché à la branche d'un arbre dont les petits fruits sont appréciés de l'écureuil, mais aussi des humains. T'as trouvé ? C'est le noisetier. Alors il faut reconnaître le noisetier aussi. Oui. Bon. Après les indices, on les voit de loin, donc ils sont numérotés. Voilà. Donc l'indice là, c'était je mange 2000 insectes par an. Mon rôle écologique est essentiel. Je joue le rôle d'insecticide naturel entre guillemets et j'aide les agriculteurs à se débarrasser d'insectes parasites. Donc au fur et à mesure, les indices ils sont un peu plus permettent un peu plus de deviner qui c'est. Peut-être que tu as trouvé. C'est un hérisson ? Pas du tout. Donc l'indice suivant se trouve caché dans une petite maison où les insectes qui aident le jardinier peuvent se réfugier. Bah, c'est un oiseau alors ? Pas du tout. Non ? Non, il n'y a pas qu'eux qui mangent des insectes. Il y a énormément d'animaux qui mangent des insectes de toute façon. Tant mieux pour nous. Donc la petite maison, bah, c'est un hôtel à insectes. On en a deux sur le site. Qui fonctionne très bien, qui accueille notamment des osmies. Les osmies qui sont des auxiliaires du jardin aussi, qui pollinisent, etc. Voilà, donc voilà devant l'hôtel à insectes. Chaque installation est là pour accueillir un insecte différent. Donc nous, on accueille surtout l'osmie. Et donc en fait, c'est des bouts de bois qui sont percés comme ça, comme des tuyaux. Et en fait, l'osmie vient pondre ses œufs dans le tuyau. Et puis au mois de mars, elles vont... Les petits vont naître, ils vont sortir, ils vont s'accoupler, ils vont refaire des œufs, et puis voilà, c'est reparti. Et finalement, on n'est pas obligé de construire un hôtel à insectes, on peut juste avoir un vieux tas de bois dans le fond de son jardin. Oui, c'est un tas de bois, c'est des branchages qu'on laisse, des niches écologiques, quoi. Mais aussi, ça peut être dans les toits, dans plein d'endroits, il y a moyen de... Dans un tas de feuilles aussi, le hérisson fait son nid dans un tas de feuilles avec des branches de bois, tout ça, donc... On peut aussi mettre des nids particuliers, comme pour les chauves-souris. Il ne faut pas avoir un jardin trop propre, en fait, si on veut avoir un jardin écologique. Non, mais c'est vrai. Il faut avoir de la diversité, avec un maximum d'essences différentes, si possible locales aussi. Parce que, par exemple, on voit beaucoup cet arbre-là qu'on a devant nous. Il s'appelle l'arbre à papillons. Et donc, c'est super joli, ça amène plein d'insectes et tout. Mais en fait, c'est pas bon pour la biodiversité, parce qu'en fait, il empêche les autres plantes de faire leur rôle... Donc c'est pas parce qu'on voit plein d'insectes sur une plante que c'est forcément une plante intéressante. Le mieux c'est de garder les essences locales. Alors est-ce qu'il y a une espèce ultra locale de Strasbourg ici ou... On a la bourrache par exemple, l'onagre, qu'est-ce qu'on a, la mauve, toutes ces plantes qui poussent naturellement en fait dans les prairies. On les laisse pousser puis voir, on les aide à s'agrandir, la menthe, la mélisse, il y a plein de choses comme ça. Qui aide, et puis garder les haies surtout, garder des haies d'essence locale, ça c'est bien. Voilà. Éviter les haies de tuyas. Alors le prochain indice se trouve dans un endroit du jardin qu'on appelle le petit bois. Bon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu difficile, mais on peut trouver. Et c'est le dernier indice qu'on va poser. Je fais peur à beaucoup d'humains, les arachnophobes, mais je suis moins dangereuse qu'une guêpe. Voilà, là après, c'est le dernier indice qui donne la réponse. Hein. Bon, donc, effectivement, on est en plein dans la thématique Halloween. Oui, avec voilà, c'est ça. J'ai choisi un animal, donc j'aurais pu choisir la chauve-souris, le hibou, la couleuvre, tous des animaux qu'on a dans notre jardin. Et puis, j'ai choisi l'araignée parce que je me rends compte que les enfants qui viennent, ils en ont peur. Ils ne veulent pas des fois s'asseoir dans l'herbe à cause de ça. Ils ont peur qu'il y ait des insectes, des araignées. Et il y en a même qui les écrasent devant nous. Donc le but, c'est de s'amuser, mais aussi de découvrir des choses et après de protéger certains animaux très utiles, comme les araignées. Un des objectifs pédagogiques, c'est effectivement de faire aimer la nature et tous ses éléments aux enfants, aux adultes. Mais en fait, c'est déjà que le public ait un contact avec la nature, parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, qui sont très éloignés de la nature, qui n'y vont plus du tout. Enfin, qui va aujourd'hui en forêt récolter des fruits de la forêt ou juste se promener en automne, pas tout le monde. Et après, c'est de leur apprendre en effet toutes des petites choses qui permettront après que le public préserve cet environnement, quoi. Notamment en ville, parce qu'il y a plein de choses aussi en ville à préserver. On peut aussi planter des essences locales en ville, des fleurs, sur les trottoirs ou autres, entre les pavés. Bon, maintenant je vais finir de préparer l'atelier cuisine, hein, pour que tout soit prêt quand le groupe va arriver. On peut rentrer au chaud. Donc Fanny Pruvot, on est ici aujourd'hui au ciné de Bussière à Strasbourg. Alors c'est une structure qui travaille sur la protection de l'environnement, mais quel type de structure finalement ? Alors déjà c'est pas le ciné, c'est le cine, C-I-N-E. Donc le C c'est pour centre, le I initiation à la nature et à l'environnement. Donc le CIN, le Centre d'initiation à la nature et à l'environnement, c'est un label en Alsace. En fait, il y a une dizaine de structures comme la nôtre, sur la région Alsace, qui sont labellisées CIN. Donc nous, on est celui qui couvrons, on va dire, la partie Eurométropole de Strasbourg. Beaucoup de monde appelle le lieu la ferme Bussière. Et du coup, plein de gens pensent voir des cochons, des vaches, des poules, etc. Mais non, ce n'est plus une ferme depuis 60 ans. C'est historiquement la ferme du château de Pourtalès, juste à côté, là, dans le parc de Pourtalès. Et donc aujourd'hui, il reste les bâtiments, hein, qui sont très beaux. Et du coup, maintenant, le site est divisé en deux parties. À côté, on a les espaces verts de la ville. Il y a un conservatoire botanique aussi. Et nous, on est donc du coup le site de Bussière, la structure qui accueille du public dans ces jolis bâtiments et les alentours aussi. Ces bâtiments ont été rachetés par la collectivité. Ils ont été restaurés écologiquement. Oui, tout à fait. On a différentes choses. On a un puits canadien qui permet de réguler la température. On a des différentes aménagements qui permettent de consommer moins d'énergie. Voilà, après, c'est un peu ancien, donc il y aurait de nouvelles choses à faire aujourd'hui. Mais... Alors du coup, qu'est-ce que vous faites ici au CINE de Bussière ? Alors notre grande partie de nos activités, c'est avec du public scolaire. Donc c'est le public qu'on reçoit le plus sur le site. Donc ça peut être des petits de la maternelle jusqu'à des lycéens. Et donc on propose des animations pour sensibiliser les élèves à la nature et à l'environnement. On a beaucoup de thématiques différentes. On peut très bien travailler sur des thématiques précises comme la mare, les petites bêtes, la forêt, les zones humides, parce qu'on est à côté de la forêt rhénane de la Robertsau. Et après, on traite aussi des thématiques plus environnementales, comme moi, par exemple, je suis animatrice alimentation durable. Donc, je travaille surtout sur l'alimentation, notre impact, l'impact qu'on a par rapport à notre alimentation sur l'environnement. Donc, il y a ça, mais on parle aussi de la gestion des déchets, de l'eau, de plein de sujets comme ça, environnementaux aussi. Et du coup, c'est vraiment aussi aller vers plus d'éco-citoyenneté, apprendre des gestes pour mieux protéger l'environnement. Effectivement, l'alimentation, c'est une part très, très, très importante de notre impact sur l'environnement. Bon, on en entend un petit peu parler, mais il y a quand même beaucoup de gens qui mangent du bio d'abord pour leur santé. Vous pouvez nous présenter justement votre vision de l'alimentation saine ? Oui, nous on appelle ça l'alimentation durable. Hein. Donc c'est une alimentation qui aura le moins d'impact possible sur l'environnement. Et donc ce qui est bien avec l'alimentation, c'est que c'est une thématique très transversale, donc qui prend plein de sujets en compte. Et en plus c'est une problématique qui est assez attractive, hein, parce que manger, tout le monde aime ça. Et du coup, moi c'est pour ça que dans la plupart de mes ateliers ou de mes animations, je réalise avec le public un atelier cuisine. Et donc ça, c'est un outil pédagogique qui est formidable pour parler de cette thématique. Donc nous, on va parler d'une alimentation durable. C'est une alimentation qui va faire moins de déchets, qui va utiliser des produits locaux, des produits de saison, qui va aussi utiliser des produits issus d'agriculture responsable. Donc on ne parle pas forcément d'agriculture bio, puisque après ça peut être dans son jardin, ça peut être ce qu'on cueille soi-même dans la forêt ou dans des prairies, etc. Et puis il y a aussi du bio-industriel qui peut avoir un fort impact. Oui, et après le label bio ne veut pas dire forcément que c'est tout à fait écologique. Si c'est une tomate bio en hiver, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Alors là aujourd'hui, par exemple, l'atelier que vous proposez aux enfants, comment vous l'avez construit, comment vous l'avez pensé et quel message vous voulez leur transmettre ? L'objectif de ces ateliers, c'est déjà pas des ateliers enfants, c'est des ateliers parents-enfants. On dit parents-enfants, mais ça peut être grands-parents-enfants aussi, hein. C'est bien quand c'est intergénérationnel. Donc le but de ces ateliers, c'est de redécouvrir qu'est-ce qui pousse à la bonne saison. Donc on essaye à chaque fois d'aller cueillir des choses, soit dans le jardin, soit dans la forêt à côté. Et on réalise ces ateliers à chaque vacances. Donc à chaque vacances, il y a autre chose à découvrir. Donc là, en automne, on va cuisiner en effet des courges, on va cuisiner un peu d'ortie, on va aller ramasser des fennes, donc le fruit du hêtre qui se mange, ce que les gens ne savent pas souvent. On va consommer forcément des noix, des noisettes, des pommes. Donc voilà, et après, si vous revenez au mois de mars, on ira cueillir de l'ail des ours. Et puis si vous venez cet été, on prendra des cerises, voilà. Ça dépend chaque saison. À chaque saison, il y aura quelque chose à découvrir et à cuisiner, voilà. Et à déguster surtout. L'alimentation durable, c'est surtout dans cette approche une alimentation qui est en lien avec les saisons, avec l'environnement direct. Oui, tout à fait. Si on suit la nature, en général, ça fait une alimentation qui a peu d'impact et qui est aussi souvent meilleure pour la santé. Un fruit que vous allez cueillir dans l'arbre, il sera beaucoup plus riche qu'un fruit qui a voyagé pendant plusieurs jours dans un camion et qui, quand il arrive chez vous, il a pu... plus les vitamines qu'il avait au départ, etc. Et dans les plantes sauvages, donc nous, c'est un peu notre plus de cueillir des plantes comestibles qui sont même parfois appelées mauvaises herbes, hein, comme l'ortie, mais on cueille aussi du plantain, on cueille plein de petites plantes comme ça, des fleurs, qui sont très communes, qu'on trouve partout, et que les consommer déjà, c'est économique, c'est écologique, et puis en plus, c'est très bon pour la santé, c'est souvent des plantes qui ont beaucoup de vertus, qu'on a oublié, mais que les anciens, eux, cuisinaient. Donc notamment à Pâques, on fait la soupe aux neuf plantes. C'est une soupe locale alsacienne où, à la fin de l'hiver, on allait dans le potager, on cueillait les derniers légumes et on ajoutait les plantes sauvages qui avaient commencé à pousser dans le jardin. Donc hop, une poignée d'ortie, une poignée de pissenlit, et ça faisait la soupe aux neuf plantes, qui est une soupe très bonne pour la santé, qui nettoie même le corps à la fin de l'hiver. Nous, notre objectif, c'est aussi que les recettes soient refaites à la maison, partager avec la famille, parce que là, ce qu'on va fabriquer, on va tout manger au goûter, donc ils pourront pas en reprendre chez eux. Mais par contre, moi, je leur donne les recettes après, pour que quand ils sont de retour à la maison, ils refassent. L'enfant peut même presque le faire seul, puisqu'il a déjà fait une fois, et après faire partager à d'autres, et puis comme ça fait boule de neige, et puis on espère que les comportements changent, et puis que l'environnement s'améliore grâce à toutes ces petites choses. C'est quoi, oui, c'est, il y en a qui en ont dans leur cours d'école. S'il y a... C'est quoi l'arbre qui fait ça? Je ne sais pas. Le feignant. C'est le hêtre. Ah bon, c'est ça? Voilà. Non, c'est pas ça, ça c'est des amandes. Ouais. C'est quoi le fruit, hein? Le hêtre. Non, mais le... Ah, ça s'appelle des faines. Ah, F-A-I-N-E. Faines. Bonjour. Bonjour. On y va? Du coup, vous restez par là. Vous avez pas acheté? Ah, d'accord. Je suis un garçon. Non, pas de soucis. Vous pouvez lui dire qu'on... Maintenant, on va quand même sortir. Où les orties, les faines, c'est quand même mieux. Pour les orties, même mamie, elle n'a pas trop envie. Hein. C'est tout le temps. Vous avez vu comme il est beau cet arbre? Qu'est-ce que c'est comme arbre? Regardez par terre s'il y a des indices. Noir. Alors c'est quoi l'arbre qui fait des noix? Le noyer. Non, raté. Le noyer. Le noyer. C'est pas le noisetier. Et du coup, il faut me trouver les hêtres maintenant. Les hêtres. Non, c'est là, quoi. Un hêtre. C'est vraiment une forme de hêtre. En gros, un hêtre. Ça fait des feuilles oranges quand elles sont au sol, brunes. Jaune ou vert avant. Venez où c'est sec. Ah là là, c'est sec. Voilà. Donc voilà. Voilà. Ah, voilà. Donc il faut prendre celles qui sont un peu gonflées. Hein. Il y a quelque chose dedans. Donc après, il faut ouvrir. Et prendre la petite noisette qu'il y a dedans. Et c'est ça qu'on mange. Donc, c'est un peu le goût de noisette d'ailleurs. On peut les faire griller ou les faire manger comme ça. Vas-y, non, non, non. Là, j'en ai deux. Et du coup, vous le repérez bien l'arbre avec la bogue. La bogue de faine. Ah, on peut faire des bagues. On peut faire des griffes d'écureuil. Des quoi? Des griffes d'écureuil. Ok, j'ai pas. Moi, toutes celles que je trouve, elles sont vides. Ah, c'est bien, tu mets dans le panier alors. Hein? Regarde, attends. Voilà, on enlève une et deux. Hop, pardon. Tu m'en cherches encore des comme ça? Alors, c'est il y en a qui les grillent et qui mettent du sel, c'est pour l'apéritif. Ça fait un apéritif de saison. Les enfants, sachez, on en fera pour goûter. Oui, c'est ça. Mettez-en dans les paniers maintenant, comme ça on les décortiquera au chaud. Qu'est-ce qu'il n'y a pas goûté encore qu'elle veut? Vous connaissiez les faines de hêtre? Non. Enfin, je les connais, oui, mais je ne savais pas que ça se mangeait. C'est bon? J'en ai pas goûté encore. Pour le moment, j'en cherche. Il n'y en a pas des masses, quoi. Vous voulez qu'on fasse une, monsieur? Hein? Ouais. Attends, ouais, ouais, bah, ouais, faut avoir des forces. Hein. Attends, voir, là. Maman, moi qui le fais. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben non. Oui. Ah non. Bah non, il n'y en a pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Oui, on les ouvrira. Oui, il y en a une. Regarde, ouais. C'est pas. Ok, merci. Voilà. Ouais. Allez, on en a une dizaine goûter. Chacun, on y va? Il y en a qui ont trois. Je ne sais pas si on en a une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, voilà. Alors, bienvenue tout le monde pour la tenue visite. Alors, qu'est-ce qui est jamais venu? T'es déjà venu, Samuel? Oui. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire, Samuel? T'es venu pour faire quoi? Jouer au foot? Non. Et un gâteau. Un gâteau, voilà. On va faire de la cuisine. Et donc, je vous ai préparé 4 recettes de la saison. Qu'est-ce qu'on pourrait manger en cette saison? Déjà, on est en quelle saison? Qu'est-ce qu'il nous dit? En automne. Très bien. En automne. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner en automne? Donc des faines, on a dit, on en mangera un peu au goûter. Des gâteaux. Des gâteaux, mais avec quoi dedans? Qu'est-ce qui pousse en ce moment? Des noix. Des noix, très bien. Donc on va en effet mettre des noix dans certaines recettes. Tout le monde connaît? Oui. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner d'autre en automne? Marron. Du marron? Alors les marrons, je n'en ai pas là. Les marrons qu'on trouve dans les parcs, là, ça ne se mange pas. C'est du marronnier d'Inde, ça ne se mange pas. Et les marrons qui se mangent chez les châtaignes, mais c'est à la montagne. Ici, on a un petit peu, mais elles sont plus petites. Quoi d'autre encore en automne? Qu'est-ce qui pousse sur les arbres ou dans les potagers? Et puis là, il y a une fête, là, demain. Diane, Des citrouilles. Des citrouilles, bah oui, demain c'est la fête des citrouilles. C'est Halloween demain. Donc on va faire des recettes avec du potiron. Alors moi j'ai pris du potimarron parce que comme ça, ça m'évitait de devoir les éplucher. Donc il y aura deux recettes avec du potimarron. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le jardin? Dans le verger qui pousse sur des arbres et qui tombe. Des pommes. Ah, des pommes, oui. Donc on va aussi faire une recette avec des pommes. Donc là, il y a des enfants qui sont aussi partis chercher quelques orties parce que c'est une des dernières plantes qu'on peut consommer, une plante sauvage, comestible qu'on peut consommer en cette saison, c'est l'ortie parce qu'après les autres plantes, elles sont déjà parties à se reposer pour l'hiver. Alors du coup, je vous ai préparé des recettes qui sont avec la fête de demain, des recettes d'Halloween. Par exemple, des cookies d'Halloween. Donc dans les cookies d'Halloween, on va mettre des noix et on va mettre des pommes. Donc on va râper de la pomme, on va mettre tous les ingrédients et des noix et on va faire des petits cookies. Et à chaque fois, j'ai prévu une petite déco spéciale Halloween que vous pourrez refaire demain. Pour celle-là, il faut prendre des raisins secs et en faire des petites araignées. Ensuite, on va faire des muffins d'Halloween, où là, ce sera aux noisettes et à la purée de potimarron. Et donc, on va mettre des noisettes et aussi des épices. Parce que vous savez, les épices, ça nous réchauffe. Et aujourd'hui, c'est la bonne journée pour ça. Donc, avec de la cannelle et du gingembre en poudre. Ensuite, il y a les petits biscuits d'Halloween, donc du coup, aux amandes cette fois. Et du coup, ce n'est pas celle-là au romarin, c'est celle aux orties. Donc, les courageux nous ont cueilli des orties. Vous avez trouvé? Oui. Super. Ça pique. Et on va mettre aussi un zeste d'orange. Et il y a aussi des petites décos, si vous voulez. Et la dernière recette, elle est un peu plus originale, mais je l'ai testée et tout le monde a approuvé. C'est des tartelettes à la citrouille. Donc, il faut faire une pâte sablée. Et après, il faut mélanger de la purée de citrouille avec un petit peu de crème, œufs, un petit peu de zeste de citron. Vous mélangez tout ça, vous mettez dedans. On le cuit et après on fait une petite déco toile d'araignée en chocolat. Ok? Ça vous va les recettes? Oui. Donc les recettes, elles sont un peu simplifiées pour que les enfants puissent les lire aussi, hein, avec des dessins. Voilà, mais des fois il faut quand même utiliser une balance ou des choses comme ça. La pomme, on va la râper. Donc il y a une râpe et puis il faut la râper. Moi je la râpe avec la peau, mais si vous voulez l'éplucher, c'est comme vous voulez. Donc c'est des pommes du jardin. Hein. Si après vous êtes courageux, vous pourrez aller les voir sur l'arbre. Voilà, donc je vais vous ramener le beurre et ce qui pourrait être au frigo. Et pour après, quand vous aurez fini les recettes, moi je vais aller les cuire à la cuisine là, qui est là-bas. Et comme ça prend un peu de temps de cuire, je vous ai préparé des petites activités en attendant. Donc pour ceux qui veulent, il y a la chasse aux indices. Il faut trouver l'animal mystère d'Halloween. Donc il y a un indice qui est accroché. Il vous envoie un endroit du jardin. Là, vous trouverez un autre indice qui vous enverra un autre endroit du jardin, jusqu'à trouver l'endroit où est caché l'animal mystère. D'accord? Alors, c'est facile pour ceux qui connaissent le jardin. C'est un peu plus dur pour ceux qui ne connaissent pas. OK, ça vous va? Oui. Et puis, vers 4 heures, on va essayer hein, d'être prêt vers 4 heures. On dressera une grande table et puis on viendra tous manger ce qu'on a préparé. Et vous pourrez bien sûr goûter chaque recette, hein, pas que la recette que vous avez faite. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc ben là, je vous propose de faire 4 groupes et de par groupe choisir une recette. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.